Salut à tous. pas 130, ça doit décaler grave. Je suis moi aussi. Là, tu es parti. Là. En fait, tu faisais une. Je te suivais sur ça tout à l'heure. Un solo sur du mi, ré, la. Oui, ça devait être ça. J'étais pas. là-dessus. On reste là où on bouge. Faudrait qu'on se remue, qu'on remette tout à plat, qu'on arrête de jouer au petit chaperon rouge. C'est bien beau de râler, mais maintenant on fait quoi? On est tous à se plaindre, c'est vrai, c'est pas marrant. L'autre se prend pour un prince et se fout bien de nous. Oh, il faudrait qu'on l'adule et soudain quand ça coince, il voudrait nous faire une crise, mais au fait il vient d'où? Capdevielle, j'aimais bien, moi. Enfin, ça, c'est de moi, ça. Mais moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait avec Capdevielle. Je ne jouais pas. Je cherchais des paroles. Ah, d'accord. J'entendais une guitare en fond. Cette chanson. Moi, je traîne dans le désert depuis plus de 20 jours. Et déjà, quelques mirages me disent de faire demi-tour. Attends. C'était le pour moi, c'était le français qui ressemblait le plus à Dire Straits. Je sais plus comment on faisait celle-là. Depuis plus d'un 10 jours, et déjà quelques mirages me disent de faire dans le tour. La Moi, je suis dans le désert depuis plus de 28 jours. Déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat, des marchands de certitude se sont passés jusqu'à ma brume pour dire mon amantitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Ouais mais attends, doucement, suis le tempo. Ouais non, mais j'essaie de me le remettre en tête. Quand t'es dans le désert. Putain, c'est... salut Jean-Pierre François. Il y avait longtemps qu'on t'avait pas vu. Demande à qui ça sert, toute toutes les règles un peu truquées. Tu sais qu'on va te faire jouer les yeux bandés. Déjà faut se caler sur le truc, putain. Ouais, ouais. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Ah merde, je n'arrive pas à tomber sur la première partie. Moi je traîne. Déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La neige se tarant sur son tambour. Les fantômes du syndicat, les marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma rue, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Déjà quelques miracles me disent de faire demi-tour. On n'est pas ensemble. Moi je suis calé à 130 là, dès que... Je suis le métronome. That brings the end, ça veut dire quoi? Attends, je vais mettre une batterie. Je mets une batterie, je la chante, après tu la chantes. Ouais, non, mais. On peut pas chanter à deux, je crois, parce qu'après ça se décale. C'était, je vais mettre une batterie. C'était pour voir des fois ce que ça pouvait faire, parce qu'il y a moyen de faire deux voix. Je cherche une batterie. Attends, moi je vais chercher une clope. Attends. On est à combien? Ouais. Alors attends. Et tu feras un petit solo, toi. C'est pas le bon truc. On est à 130. Sur l'une de Saturne, mon perroquet sonne à l'arme. utilise ressemble vachement au tempo qu'utilise Knopfler. Une démarche un peu traînante, il m'a dit. Bientôt 30. Je suis là qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand il demandait son message, il m'a dit d'un air tranquille. Politiciens finiront toujours au fond de la ville. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner ma vie. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert de truquer, les yeux bandés. Où le batteur Jean-Pierre François, bah, c'est un jazzman lui. Le batteur est parti. Ouais. Pourtant, c'est sa génération à lui, Jean-Pierre François. Ouais. Non, mais bon, c'est un excellent batteur. Je sais pas si tu le connais. Ça fait des années qu'il vient sur Ninjam. Bon, on le voyait plus depuis pas mal de temps. Bon, attends, je vais voir sur un autre serveur.